j'ai cru faire un bon coup en changeant de futur. Margot était mon fait, peste soie du marché. Avec Fanchon, hélas, il faudra donc conclure. Qui moi, garde Fanchon? Qui moi, garde Fanchon? J'en serais bien fâché.